carreau comme Mario. Je le dis que la Zigma rendu célèbre, on frappe pas le tour de Paris. Elle me dit t'es bon à rien, ça tiendra pas, est-ce que tu veux parier? Deux fois la vie des putains de je me consolerai avec mon autre Maria. C'est là je la fume, mais je rêve toujours autant d'allumer loin de ces guérillas. Tu sais que je sors du ghetto et je côtoie cette paria. Je saccage, je suis un putain de pirata. Et tu saccages sur le bateau, c'est un plein qu'on a vingé. Oh, tu saccages, j'y vagare. Tu sais que j'y bagage, un pirata. Mais pour autant, je me calmerai que pour toi. Maria, Maria, Maria. Maria, Maria, Maria. Maria, Maria, Maria. Maria, Maria, Maria. Oh, Maria. J'ai besoin de toi, mais je pense à toi qu'après avoir rempli le cendrier. Je crois que le combat est bien réel et que tu redoutes le jour où on s'en ira. T'inquiète, moi aussi j'y pense, j'ai que ta Maria là que me sens briller. Est-ce que dans le bolet tout noir on s'ennuiera? Tu saccages, je suis un putain de pirata. Et tu saccages sur le bateau, c'est un plan qu'on a vingé. Oh, tu saccages, j'y vagare. Ah, tu sais que j'y bagage, je suis un pirata. Mais pour autant, je me calmerai que pour toi. Maria, Maria, Maria. J'ai besoin de toi dans ma vie. Y'a qu'avec toi que je la vie. Tu sais que j'y vagare. Tu sais que j'y vagare.